La majorité des personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire qu'à un moment donné, elles vont s'habiller à la mode. C'est une chose collective, évidemment, c'est du collectivisme. Sauf qu'elles auront besoin d'être acceptées par autrui pour se sentir bien. Certains vont dire, moi, j'ai pas besoin d'être acceptée. Alors, je vais être un petit succès. Ils auront besoin de ne pas être rejetés par autrui. Si on ne dit rien, c'est bien. Et si on dit que c'est pas correct, bon, c'est la même chose. Il arrive finalement, et j'ai proposé un paquet de processus, quand on insulte quelqu'un, il se sent mal. Quand une personne arrive en se disant, j'espère qu'il va se rappeler de moi, l'autre passe à côté, qu'il ne voit même pas, il se sent mal. Etc., etc., etc. Un patron, le pape passe dans la rue, il vous voit, va vous serrer la main. Comment j'allais le sentir? Eh bien, en maudit. Religieux ou pas? Le Dalai Lama va venir vous serrer la main, vous allez grimper au plafond. Pourquoi? Parce que physiquement, quelqu'un dans qui vous placez beaucoup d'autorité, va agir comme si vous étiez de grande valeur. Et pourquoi l'humain est pogné comme ça? Parce que l'humain a fini par projeter totalement l'ange, la vision de l'ange, la sensation de l'ange qu'il a subi, c'est à l'extérieur et c'est écrit, c'est fait qu'il n'y a plus personne ici, probablement, qui a suffisamment d'amour propre pour être capable de s'aimer, en étant totalement indépendant et détaché du retour d'autrui. Et ce qui va faire qu'une personne va vouloir, par exemple, s'habiller ou se maquiller ou se mettre quelque chose pour elle. Elle ne peut pas s'aimer sans ça. Ce qui va faire qu'une personne va aimer qu'on la complimente. Parce qu'elle ne peut pas s'aimer sans ça. Ce qui va faire que si le Dalai Lama vient vous serrer la main, ben là, je vous dis, quel honneur il m'a fait! L'honneur qu'il vous a fait, c'est de reconnaître chez vous ce que vous refusez de reconnaître chez vous. C'est ça l'honneur que le Dalai Lama a fait. Ou le pape, ou n'importe qui. Imaginez René Lévesque qui passe dans la rue, sans faire de campagne politique, et qui subitement dirait, hey, c'est déjà vu pour au McDonald's. Traverse la rue, bonjour, ça a l'air mieux qu'autrefois. Ben, t'es content, il s'en va. Comment tu te sens? Tu sens comme si c'était quelqu'un d'autre, hein. Et si vous avez beaucoup d'égo, ben là, vous allez vous inventer, vous allez commencer à trouver que vous êtes mieux qu'un tête à d'autres, etc. Vous allez vous servir de l'autorité de l'autre pour vous monter la vôtre. Quand quelqu'un dit, ouais, mais tu sais, Daniel Kahn m'a déjà dit, mais vous vous aimez pas. Vous pouvez pas vous aimer. Parce que vous êtes obligé d'aller chercher l'autorité de quelqu'un d'autre, parce que vous êtes sûr que si vous parlez vous-même, l'autre pourra pas vous écouter. Donc, vous-même, vous ne croyez pas à votre autorité. Donc, vous ne croyez pas non plus à ce que vous êtes. Donc, on ne s'aime pas. La majorité des humains, je ne connais pas d'humains encore présentement, pas vraiment, à part d'être très jeune, ce sont des gens qui sont capables de s'aimer convenablement. Et je ne parle pas, moi, d'amour égoïste, je ne parle pas de personnes qui s'aiment d'une façon orgueilleuse. Elle non plus n'est pas capable de s'aimer. Elle est obligée de se prouver qu'elle s'aime sans arrêt. Une personne bien, une personne qui s'ennuie a un problème au niveau de son âme. Une personne inquiète, une personne qui a peur, une personne frustrée, une personne incapable de dire et parce qu'une personne incapable de recevoir, elle a un problème d'âme. Elle n'est pas capable de reconnaître chez elle son intelligence, sa douceur. L'âme qui l'habite. Le premier ange que j'ai rencontré extérieur à moi, ça a été un de mes enfants. Il a été angélique jusqu'à l'adolescence. Et il est redevenu progressivement angélique vers la vingtaine. Progressivement. Et puis, à un moment donné, eh bien, il n'a pas survécu assez longtemps pour continuer. L'autre ange que j'ai rencontré, c'est celui que tu connais aussi, avec lequel de temps en temps on va camper. Il y a de temps en temps, dans certains séminaristes, dans certains de leurs enfants, il y a des enfants qui sont très angéliques. Il y en a un que c'est sûr que tu connais. Tu ne connais pas, mais que tu reconnais. Et dans chaque être humain qui est ici, puis qui ne sont pas ici, puis qui écoutent, puis qui sont partout sur la planète, il y a ça. Il y a cette partie d'ange que l'humain ne veut pas, n'a plus la capacité de voir. Il va rechercher chez autrui, et à un moment donné, celui-là, c'est lui, ne le trouvant tellement pas, ben on va créer une structure sociale, il va avoir la politesse, il va avoir le savoir-vivre, il va avoir tout un système de petites choses, qui vont faire en sorte que finalement, eh bien, on va essayer de compenser le fait qu'on n'est pas capable de s'aimer, le fait qu'on a perdu la capacité de reconnaître ses choix, ce foyer central angélique, et je ne parle toujours pas de laissant tomber la vision très spirituelle de mécanique de l'ange. Le mot « ange » est intéressant pour communiquer des choses. L'alcoolique, c'est une personne qui a totalement reçu son ange. C'est lui, mais il ne le voit pas, il ne le voit pas du tout. Alors, il va se noyer. Bon, ceux qui vont, il y a tellement de comportements. Le comportement sexuel, c'est un comportement de refus de l'âme. D'ailleurs, à l'adolescence, souvent, on clairement, le comportement sexuel va débuter. La majorité de tous les petites souffrances humaines dans leur chemin de conscientisation est basée sur un seul point, c'est que l'humain n'est plus capable de reconnaître chez lui une source d'eau vive, une source d'intelligence, de douceur, pour lui, pour elle, et qui nécessairement va être capable de rayonner. Elle va l'exprimer à l'extérieur à l'instant où elle va l'avoir sur elle. Elle n'aura pas besoin de réfléchir, ça va être évident. Ça va jaillir. La non-reconnaissance de soi-même, là, c'est partie du médiocrisme. C'est ça? Oui, c'est carrément de la médiocrité à faire. Là. Et puis, comment faire pour s'aimer? Comment je peux faire, moi, pour m'aimer? Dans ton cas, j'avoue que c'est assez compliqué. Tu vas convenir avec moi. C'est un travail. Ça va servir d'exemple, oui. Non. Toute la fraternité va être contre toi, après. On est beaucoup, c'est le même cas. Un ange, comment faire pour être capable de retrouver chez soi l'ange qu'on a perdu? Hein? Oui, mais moi, le concept d'ange, ça ne me touche pas tellement. À cause que tu prends le mot encore, le concept spirituel. Parce que moi, j'aime bien appliquer, finalement, là, que tu fais. Moi, bon, je voudrais m'aimer. Oui, parce mais l'amour, là, l'amour, c'est un concept. En parlant comme tu parles là, c'est important qu'il parle comme ça, il vient que tu te penser comme lui. Oui. Bon, l'amour, j'aimerais ça pour l'appliquer, là. Amour, oui. Oui, mais c'est pas ça, on peut pas appliquer ça comme ça, l'amour. Même si je suis bien, je le considère un peu bien, mais... Tout le monde le sait comment. Tout le monde. L'ange, c'est quoi, te dirige, te dit comment. Tout le monde le sait comment. Personne ne sait comment le savoir, tout le monde le sait comment. C'est éteint. Et qu'est-ce qui va rallumer ça de temps en temps? L'ange, ça va être moi, mais comment? Voyez-vous, quand de temps en temps, tout à l'heure on parlait des personnes qui ont été émues quand ils ont vu les Irakiens se rendre, l'ange est en train de sortir. La personne ne reconnaît pas suffisamment, elle ne voit pas suffisamment sa capacité d'être émue devant des choses qui ne la regardent même pas. Donc, amour gratuit, donc amour bouddhique, et intelligence, elle voit l'esthétisme de ce qui se passe. C'est génial, du point de vue esthétique. Quand l'être humain rencontre des enfants, normalement, l'enfant a la capacité de réveiller l'ange chez lui-même. Parce que ce n'est pas des enfants. Et si la personne a peur, mais une peur bleue des enfants, certains vont dire, oh, moi, je n'aime pas ça des enfants, c'est la peur, c'est la même chose. Là, probablement, qu'ils sont encore plus loin de leur ange. Parce qu'ils ont même peur que l'enfant vienne les faire, on dit, envoyer aux toilettes. Avec son ange à lui. C'est moi, je viens de filmer plus. Donc, ils auront peur des enfants. Et quand on dit peur, ils vont dire, oui, mais c'est parce que j'arrive pas à rien faire avec eux autres. Je ne peux pas rien faire non plus. Parce que tu ne communiques pas sur la bonne longueur d'onde. Donc, nécessairement, l'enfant progressivement monte sur ta longueur d'onde d'adulte. Il reste un enfant, mais là, il devient hypocrite, il devient violent, il devient manipulateur, il devient marchandeur, il devient excité, il devient tout ce que tu voudras. Ça veut dire, c'est pas comme ça que je suis, non. Mais ce que tu exprimes dans l'enfant, là, ça crée ça comme tourbillon. Là, nécessairement, tu n'arrives plus à rien faire avec lui, parce que il représente une grande partie de la majorité de tes problèmes, qui fait que tu ne peux pas rien faire avec lui, parce que ça, tu ne peux pas rien faire non plus avec tes problèmes à toi. Fait qu'il devient excité, il devient ici, il devient ça, il devient emmerdant, il va tout faire, il va être parfait pour amorcer tous tes points faibles. C'est gradué. Il y a beaucoup de parents qui sont pas comme ça avec leurs enfants. Bon, des enfants Tesla, il y en a. Il y a encore des gens qui ont peur d'en avoir un alors que ça ne dérange pas d'en avoir un. Ça dépend du parent. Il y a une personne qui est coiffeuse et puis là, on lui amène un enfant, une jeune de 4 ans. On a fait sa fête, puis là, la coiffeuse, elle lui explique que là, pour couper les cheveux, il faudrait que ça bouge pas trop, c'est 4 ans, puis bon, puis ça reste calme. Elle explique tout ce qu'il faut pour couper les cheveux comme il faut. À un moment donné, la jeune, à 4 ans, a dit écoute, bon, dans mes mots, c'est quasiment ça. « Hey, ça m'écœurerait, là, puis coupe la dent. » C'est une affaire dans le genre. Donc, c'est peut-être moi, ferme-la, puis coupe-la. À 4 ans. Et puis, à un moment donné, eh bien, la personne, elle lui dit, « Là, faut que tu penses peut-être en avant, puis tu peux pas en arrière. » J'ai pas le goût de la penser. À 4 ans. C'est une question totale. Bon, là, la coiffeuse, elle fait quoi? J'ai deux choses, l'une, trois. Ou, ben, elle essaye d'être comme souvent les adultes sont avec un enfant, en puissant pour eux autres. plus souvent, c'est parce que l'ange à l'intérieur de l'enfant est là, l'adulte en a une peur bleue, puis l'enfant va immédiatement, il ne peut pas exprimer son ange si l'adulte lui permet d'exprimer son ego. Or, l'enfant devient un tourbillon total, exactement parfait pour planter l'adulte. Alors, ça va être, bon, ben, tu fais tout ce que tu peux, tu sais, faire que les jeux ne sont pas trop vite. Quand après, t'as la sorte de la fraise, tu écoutes, va te couper une frayeur, je te dis demain au revoir. Ça devrait beaucoup plus intelligent. Et puis, d'ailleurs, il essaye de pencher la tête, hein, ma petite bondette, toi, là, puis, si tu veux pas revenir, tu te regarderas pas, mais moi, tu t'écoutes, t'as fini là. Quand la jeune s'est rendu compte que l'autre était, ben, comme n'importe quel teflon, ben, quand tu rencontres un adulte respectable, il respecte. Ben, restez là, fallait rester ici, etc. Ta mère l'a pas pris. Ouais. Non, c'est comme ça, les parents, quand vous punissez l'enfant, vous punissez le parent. Le parent, il est pas venu. Bon. Mais. Il n'est pas payé non plus. C'est pas. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a effectivement suffisamment d'intelligence chez n'importe qui, et d'intelligence très ajustée à l'évolution et à la conscientisation de l'être humain. De l'intelligence qui est capable de tolérer le fait qu'on ne fera pas souffrir l'être qui est en ascension. Sauf que tout ça, c'est caché et enterré. Très loin dans nos mémoires d'enfants, puis souvent très, très, très loin, tout court. Et l'être humain, qui quand on dit, par exemple, bon, qu'est-ce que vous recherchez réellement? Ah, vous venez ce soir, il y a une raison. Bon, il y a peut-être un bon télévision, vous avez deux, trois vidéos, vous enregistrez tout, bon. Il y a une raison. Je n'ai pas encore trouvé de chien à mes conférences. Ni de ça, ni de frein, ni de cheval. Les animaux ne viennent pas. C'est l'humain, normalement, qui intéresse ce genre de discours. C'est pas tous les êtres humains, d'accord. Parce que c'est un discours particulier. Donc, il faut des personnes qui sont à un cheminement particulier pour arriver à le suivre. OK. Pas nécessairement plus haut, c'est qui leur va à eux, simplement. Sauf que qu'est-ce qui motive n'importe quel humain, dont vous aussi, dans cette démarche? Mais ça revient à ça. Esthétique, douceur. L'humain va dire plaisir, on va dire joie. Fuir des problèmes, c'est pour forcer l'ego à évoluer, fuir les problèmes. Mais c'est pas ça qui porte l'humain à avancer. Vibration. Une vibration d'intelligence, je dis d'aristocratie. Il faut faire attention. Il y a des aristocrates et il y a des snobs. Bon, c'est pas nuancé. L'aristocratie, le vrai aristocrate, pouvoir, contrôle, aristocratie, aristocratie, l'esthétique, l'intelligence, donc l'écologie, et la douceur. Une personne va... Bon, on regarde de temps en temps que la société protège pour protéger des animaux, du coup. Et là, on peut se rendre compte que c'est humain, qui passe là. Quelqu'un va dire, mais non, c'est pas humain. Mais oui, c'est humain. Depuis l'origine de l'humanité, on maltraite les animaux, ainsi que les humains, comme ça. Il y a une quarantaine de pays aujourd'hui où les femmes sont toujours totalement bafouées. Une femme qui dit, écoute, ben, serre, en prison. Parce que de lire, elle est pratiquée un peu, on s'amuse avec, elle va jamais sa gueule. La mère vient, ouais, passe en prison aussi, elle va pas venir là, bon. Il y a plein comme ça. Une quarantaine de pays connus. Bon. Quand on regarde, par exemple, les animaux sont maltraités, pas d'intelligence, pas d'écologie, pas d'aristocratie humaine, donc quoi? Mais le gars qui fait ça, lui dit, ben, c'est pas si pire que ça, oh! Il manque quoi? Ben, il manque ça. Et quand l'humain commence à évoluer, l'humain dit, moi, ce que je veux finir, c'est les guerres, c'est les atrocités, c'est les problèmes. C'est pas ça que l'humain fait. C'est ce que l'ego fait. Mais l'ego fait ça motivé par quoi? Comment pouvez-vous continuer à vouloir créer, à vouloir vivre une ascension, alors que l'histoire de l'humanité montre que l'humain a toujours fini mort, souvent accrué de balles, malade, perdu, gelé, souffrant, il a passé les 80% de ses vies malheureux avec des illusions de bonheur de temps en temps. Quand on vous a privé l'eau, vous privez d'eau pendant 3 jours, puis qu'on vous en donne une pinte, c'est le bonheur total. Mais ici, on lave nos forts avec l'eau. Bon. Alors, c'est des illusions. L'humain, depuis qu'il est là, vous vivez pourquoi? Gagner de l'argent. Pourquoi? Pour avoir une maison? Pour réussir dans sa vie? Peut-être pas réussir la vie. On voyage. Pourquoi on voyage? Pour se reposer. Se reposer de quoi? C'est pour se reposer, on devrait pas revenir. L'enjeu, mais si je ne reviens pas, je ne pourrais plus continuer à me reposer. Là, on pourrait me fatiguer de me reposer. Toute la vie au complet est structurée d'une façon très particulière. Et malgré tout, l'humain continue à garder un espoir quelque part. Il y a une bébête quelque part qui lui dit tout le temps, continue le cas. Mais quand c'est le corps, l'astral, le vital, c'est l'ego. Bon. Alors, il y a quelque chose, c'est l'homme, c'est la femme et c'est l'enfant, justement, qui se rappelle. Je sais, il nous peut parler. Mais ça porte un mot. Le mot, on peut le prendre dans la religion catholique. Il y a des correspondances dans d'autres langues, dans d'autres religions. C'est l'âme. La partie angélique de c'est l'humain, c'est la partie qui est encore capable de reconnaître de l'intelligence et de la douceur. C'est ce qui a fait en sorte que l'humain a aimé la poésie. Où on voyait subitement quelque chose au-delà des mots. C'est ce qui a fait que l'humain va aimer l'art. Ben, on parle souvent de l'ère nouvelle comme étant un ère d'art, d'artiste, où on pourra avoir de la musique particulière, une belle musique, où on aura des peintures particulières. C'est pas juste des peintures psychédéliques. Bon, le nouvel art, on a souvent des peintures photographiques, où on aura une pyramide, un œil, où on aura une femme, on aura un homme, mais ils dégagent une chose particulière, de la douceur et de l'intelligence. Ben, ils se sont dit, on dessine des gens, on leur met pas des ailes. On n'a pas besoin de ça. L'idée avant était que l'ange volait, etc. Si l'ange était terrible, c'est nécessaire qu'il vole à travers les murs. Pas besoin d'elle. Bon. C'est besoin d'elle, mais la femme. Bon. Justement, je parle un peu du nouvel âge et tout ça. Toute la spiritualité, en rapport avec le nouvel âge, tout ça, c'est doux, mais empreint d'émotion. Parce que ce sont des animaux humains et des humains qui, présentement, sont en train de goûter à de l'énergie supramentale prédigérée par des marqués de la transition supramentale dans le monde astral, incomplété, et ces personnes-là reçoivent l'information et l'expriment dans une vision émotive, donc dans une vision spirituelle. Alors que l'ange n'est jamais spirituel. La spiritualité, c'est la croyance dans quelque chose. L'ange, c'est une mécanique qui est intelligente, qui est là. L'esprit saint, c'est quelque chose d'intelligent, qui est là. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, l'être nouveau, c'est quelque chose qui est là. Il ne croit pas qu'il sait, et il se contente de savoir qu'il a besoin de savoir quand c'est nécessaire. Ça manque jamais. Il n'a pas de doute. Et il est nécessairement, il fait partie de l'aristocratie planétaire, il fait partie de la chevalerie de l'ère nouvelle, il fait partie de quelque chose qui est capable, quand on parle de protéger la veuve et l'orphelin, c'est l'intelligence fondamentale et flamboyante. L'être humain, c'est présentement celui qui a des visions de l'ère nouvelle, projette encore, à l'extérieur de lui, les parties angéliques qui frappent à la porte pour s'exprimer quelque part. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui ont écrit des bandes dessinées. Il y a beaucoup d'artistes qui font des peintures. On parle de la musique de l'ère nouvelle. À quoi elle ressemble la musique de l'ère nouvelle? Bon, il y a des personnes de Québec qui en parlent souvent. C'est sûr que ça peut être joué, ça peut être n'importe quoi, un peu n'importe comment. Dans certains cas, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la personne est suffisamment en contact avec une vibration pour l'amener à exprimer quelque chose. Mais il y a un ensemble qui relie les musiques de l'ère nouvelle. Normalement, ce sont des musiques qui sont, on dit, des contrastantes. Nourrissante. Ils ont une caractéristique particulière. C'est pas encore parfait. On exprime toujours une forme d'intelligence, de volupté, de douceur. Même si un rythme, à un moment donné, qui décolle, la douceur reste de là. Et il faut finir parce qu'à un moment donné, il y aura des chances, il y a un peu quelque chose qui va se rajouter que l'humain n'est pas encore capable d'exprimer dans ses musiques. L'être humain a, quand on dit que l'être humain a sous lui suffisamment d'amour, c'est vrai et c'est faux. Mais c'est vrai. Sauf que la majorité des personnes sont tellement engourdies avec leur hanche qu'ils ont chez eux, qu'ils ont la difficulté. Moi, quand je rencontre ces personnes, c'est toujours leur hanche que je vois. Et c'est pourquoi je me fais jouer souvent avec la rinette. C'est que je rencontre des individus, je vois chez eux ce qui est intelligent, ce qui est beau, ce qui est doux, je me fie à ça, et si la majorité de ce qu'ils sont est autrement, ben, je me fais ramasser. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que je suis souvent fini difficilement à mes vies. Tu sais ici. C'est fini tout court, hein? Ah ben ça, c'est autre chose. Alors, quand on rencontre un ange, qu'est-ce qu'on rencontre? Eh bien, normalement, la personne qui rencontre un ange, elle se rencontre elle-même. Vous ne pouvez pas reconnaître que quelqu'un ou à l'extérieur de vous, quelque chose qui n'est pas chez vous. Vous avez un coucher de soleil, c'est pas parce qu'il y a un coucher de soleil chez vous. Mais il y a nécessairement de la beauté chez vous. Et ça, la personne qui se conscientise ou qui évolue ne connaît pas ça. La majorité des personnes qui vivent une conscientisation ont toujours refusé de toute façon tout ce que la spiritualité, à un moment donné, avait englobé. Si la spiritualité, on va dire que la spiritualité, c'est une race un peu. Les spirituels, ils ont une peau verte, puis trois grandes oreilles. Si les spirituels aiment leurs enfants, c'est nous qui sommes d'une autre race. Mais on n'aimera pas nos enfants. On n'a pas spirituel. C'est ce que souvent la personne qui se conscientise, qui débute sa conscientisation, donc qui est en transition, c'est dans une démarche mentale, ça. Oui. Une démarche qui n'est pas super mentale, mais qui reste mentale. La mentalisation est essentielle, mais donc hautement dangereuse. Parce qu'à un moment donné, c'est comme un supra, c'est de la pure mentalisation, c'est un intellect poussé à un maximum. C'est pas supra-mental, c'est super-mental. Supra étant supérieur au plan mental. Alors, les personnes, ce qu'ils vont faire à un moment donné, c'est qu'ils vont dire simplement, bon, ceux qui sont spirituels ou émotifs, ils ont certains genres de comportements. Alors, nécessairement, si je demande à quelqu'un qui est rendu à un certain niveau de conscientisation, tu devrais peut-être pouvoir dire de telle façon. Immédiatement, c'est barre et raide, inhibé. C'est logique que la personne soit inhibée, et à un moment donné, il faudrait être suffisamment intelligent pour commencer son processus de désinhibition, pour commencer à se rendre compte que c'est pas de la spiritualité que d'exprimer l'authenticité qui a été et qui est exprimée d'une façon copiée par la spiritualité. Les spiritualistes font le maximum, mais ils n'ont jamais l'essence même. Ils doivent entretenir sans arrêt leur façon de voir les choses et ce qu'ils expriment. Alors que l'être nouveau, lui, va exprimer des choses similaires, mais il n'aura pas besoin de les entretenir parce que c'est partie de sa nature. Et cette différence va être due au fait que l'être nouveau va exprimer, va être vrai, authentique et non joué. Ça va être spontané. Donc, spontané suffisant. Vous ne préparez pas le cadeau à quelqu'un, spontanément, ça se fait. Vous ne préparez pas la poignée de main à quelqu'un, spontanément, ça se fait. Vous ne préparez pas vos mots, vos paroles, vos gestuels ou l'énergie de les rayonner, spontanément, ça se fait. Le spiritualiste, lui, va se faire une philosophie de vie dans laquelle il se doit d'aimer autrui, dans laquelle il se doit d'être compatissant, d'avoir pitié, dans laquelle il se doit d'aider, dans laquelle il se doit d'être doux. Il se le répète. Alors, il a l'idée du sage et du saint, et puis il va s'en servir comme idole, et il doit l'entretenir sans arrêt. Demander, par exemple, à Dieu, à son maître, à l'énergie cosmique, à son père, à sa mère, de lui donner toujours la force, de continuer à être ce qu'il n'est pas. Alors que l'être nouveau, lui, celui ou la personne, donc comme femme ou enfant, qui à un moment donné par la conscientisation, on sait que on apprend, on comprend de l'évolution. Et un jour, on conscientise. C'est parti de ce que nous sommes. C'est pas parce qu'on a des explications, à un moment donné, on parlait de la pollution. Je ne pollue pas à cause que, non, je ne pollue pas parce que ça ne fait pas partie de ma nature. Je suis conscient de l'intelligence de ne pas polluer. Donc, j'ai pas besoin de raison pour ne pas polluer chaque fois que quelqu'un me pose une question. L'être humain va arriver à une conscientisation où il va exprimer ce qu'il est dans l'être réel. Donc, il ne sera plus faux envers lui-même. Il n'aura pas besoin de se servir de mécanismes, de feuilles, de lettres, de cheminement, de désidérata. Il n'aura pas besoin de se servir de quoi que ce soit. Parce que ça va être lui. Alors que le spiritualisme très, très, très poussé, et qui normalement va souffrir beaucoup, va tout faire pour copier l'être nouveau. On parle de la chasteté. On parle du Québec, j'en parle jamais. Bon, mais dans les sphères spirituelles, dans les monastères, etc., on parle de la chasteté. On dit pur et chaste. Alors qu'on peut être pur et pas chaste, on peut être chaste et pas pur, qu'on peut être conduit. Bon, parce que la chasteté, elle n'aura qu'à être. Bon. Qu'est-ce que c'est? Il y a encore des agglomérations anachroniques, mal placées dans le temps, de vision supramentale de ce que sera l'ère nouvelle, donc où il y aura des êtres nouveaux. L'être nouveau est androgyne psychologiquement, au départ. Comment c'est? Ça veut dire que l'être nouveau ne voit pas de différence énergétique entre un homme ou une femme. Les anges le sont aussi. Les anges sont androgynes, non pas sexe. L'être nouveau, ou la personne transitive, mais donc les plus âges sont comme ça, ne voit pas de différence énergétique entre l'enfant, la femme et l'homme. Troisième sexe, c'est l'enfant. Bon, ça peut être un enfant, ça peut être un enfant, ça peut être un enfant. Bon, on peut dire trop jeune, mais on pourrait dire même faire une femme, c'est une femme, c'est une femme, à des questions. Bon, les raisons de tout, on en donne. Bon. Quand l'être, donc on parle de l'être, qui fait nécessairement, si c'est androgyne du point de vue psychologique, ça n'a pas de vision sexuelle au niveau de la psychologie. Et l'être nouveau, dans les années à venir, quelques milliers d'années, sera androgyne parce qu'il sera immortel, donc il n'aura plus besoin de se reproduire. Et dans cette vision de copie de la perfection de la nouvelle, de l'ange exprimé, de l'archange exprimé, seulement même du Dieu exprimé à travers l'humain, seulement de l'homme, la femme ou l'enfant exprimé à travers lui-même, les spiritualistes ont pensé qu'il fallait être chasse pur. Même le corps du Nazaréen n'a pas été chasse. C'est le mot du sang. Imaginez la génétique qui aurait été gaspillée. On parle toujours de pureté, etc., etc., etc. D'ailleurs, pour la religion catholique romaine, c'est absolument essentiel que Marie ait été vierge. Elle l'était. Jusqu'à temps qu'elle n'était plus. Et quelques mois après, est arrivé Jésus. Lorsque, à l'instant, ça va arriver que, par exemple, dans tout le monde, quand on reconnaît quelque chose de beau dans un autre individu, alors que c'est finalement une projection de nous autres-mêmes, oui. Le jour qu'on va reconnaître, on va se reconnaître, nous, comme on va s'aimer finalement, est-ce que les autres vont demeurer, on va continuer à les trouver beaux? Absolument. C'est encore bien mieux. Parce que là, tu vas forcer l'individu à se réveiller, c'est ça qui va se passer de toi. Il y en aura donc plusieurs qui auront peur de toi. Et les plusieurs vont commencer à se rapprocher de toi, mais sans te têter. Les effets souvent similaires, c'est que la personne qui devient à un moment donné un être nouveau, c'est plusieurs personnes qui ont peur, hein. Et puis même parmi vous, il doit y avoir même plusieurs qui ont peur à un moment donné d'exprimer ce qu'ils ont de convenable chez eux. On va dire évangélique. Pour ne pas prendre le terme bon, parce que bon, ça va être mauvais, etc. Ils ont peur de l'exprimer parce qu'ils disent, ouais, mais je vais me faire exploiter, l'autre ne comprendra pas ce qui m'arrive, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Chaque fois qu'on devient transparent à soi-même d'une façon pure et sans problématique, donc sans résistance, l'autre est toujours totalement préparé par son ange de groupe, à recevoir votre comportement. Il n'y a jamais de problème. Si on le fait à moitié, qu'on résiste, qu'après ça, on retourne en arrière pour essayer de reprendre des stéréotypes traditionnels, là, vous aurez de sérieux problèmes. L'autre n'aura plus de comprendre. On a peur. Premièrement, on a peur en face de nous-mêmes. Et on va dire, c'est à cause des autres. Mais c'est une projection. C'est encore à côté du chemin. Si, oui, quoi. Non, vas-y. Si, à l'inverse, là. C'est moi. Si, à l'inverse, je deviens découragé, je trouve la rêve même qu'il l'est, et il n'y a plus d'espoir, là. Les vagues, là, qui viennent. Tu t'es rendu encore assez loin, t'es rendu un peu dans le genre peur des enfants, c'est-à-dire que tu es même plus capable de reconnaître la partie angélique chez les individus. Mm-hmm. Là, ce qui va arriver, c'est que toi, tu te détestes tellement que par projection, tu ne peux plus non plus aimer le reste. Quand une personne sur la planète là, se dit maudite planète, c'est ici, c'est ça, que tout va mal, c'est tout ici, c'est tout ça, elle ne voit même pas qui va bien. Je dis pas, on est dans le pire des mondes, je comprends. Sauf quand l'individu est plus capable de supporter la laideur du monde, c'est qu'elle se déteste à un point tel que la projection fait en sorte qu'elle va rejeter le reste. Et quand je dis se détester, c'est extrêmement subtil, c'est beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego, d'orgueil qui vont dire qu'ils t'aiment, ça va bien. Et il y a tellement, on peut prendre pas le temps là, mais il y a tellement de vérifications que vous pourriez faire à un moment donné pour voir que tout votre comportement, ou une grande partie du comportement, est basé uniquement sur faire en sorte que les gens ne puissent pas pénétrer ce que vous êtes. Bon, j'ai rencontré une personne dernièrement, séminaire, elle s'aime, ça va bien. Elle a un petit problème. Alors on commence à en parler, elle dit, non, écoute, là, je vais pas déballer mes salades devant tout le monde, là. Bon, elle ne s'aime pas, elle n'est pas capable de s'aimer. Elle a tellement peur du jugement d'autrui. Elle a tellement peur de son propre jugement. C'est comme je le dis souvent, ne jugez pas de peur d'être jugé. C'est un milliard aujourd'hui, c'est ne jugez pas de peur de ne vous juger vous-même à un moment donné. Parce que c'est ce qui arrive. On va se juger. Et la personne, elle se juge déjà. Il y a tellement de subtilité à un moment donné, si on observe son comportement, on va se rendre compte qu'on agit toujours effectivement comme ça, ce n'est pas. La personne, lorsqu'elle commence à découvrir l'ange, la partie angélique qui est chez elle, amalgame fusionné d'intelligence et d'amour bouddhique, donc d'amour gratuit, son comportement change. La façon dont elle va tout voir, tout va changer complètement. Et là, c'est pas long que l'ange se réveille et qu'elle s'approche d'un contact archangélique ou un contact extraterrestre archangélique. On fait une pause, vous avez des questions, vous les écrivez sur papier d'une façon lisible. Il est politique, c'est la cinquième année, hein? Allez, vous allez pleurer! Bonsoir tout le monde. Je remplace Charles, je ne suis pas Charles, je ne suis pas son ange non plus. Je suis Michel. Le sujet ce soir, c'est l'archange. L'archange. Le sujet, c'est ma première rencontre avec un ange. Parle-nous de ça. Justement. J'ai pensé que c'est quand tu l'avais rencontré, parce que... Tout le monde me dit ça, à toi. Un petit temps, quand j'étais jeune, ma mère me disait, j'étais tranquille comme un ange, ou j'étais comme un ange. Puis elle se voit ça, un ange. Est-ce que c'était ta première rencontre quand tu m'as rencontré? Ça se peut. Un ange, moi, un ange, pour moi, c'est pas grand-chose, là. C'est... Tu prends 5 minutes pour me vanter que t'es un ange, c'est un jeune, mais après ça, il y a encore aussi, c'est pas grand-chose. J'avais oublié ce que je me disais. Un ange, c'est quoi? C'est personnellement, ce que moi j'ai appris dans la région catholique, c'était... T'as-tu montré quelque chose là-dessus? Oui, il me semble que oui. Je connaissais le mot, donc j'associais ça à quelque chose qui était invisible et visible en même temps, mais qui flottait, qui était tout ce que c'est. Alors, je suis content que ce soir, mais tu m'entends quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'un ange? C'est quoi? Bon, un ange, c'est une définition qu'il faut comprendre ou une définition énergétique? Allez, deux. Ah, oui, c'est une petite dent, hein? L'ange, c'est une partie qui s'est excusée en même temps que toi, et qui est capable de maintenir dans sa conscience une partie du plan bouddhique mélangée à l'esprit saint, donc au plan supramental. Bon, c'est la première définition. L'ange, c'est un compagnon qui a toujours accompagné l'être humain dans sa perispification. L'humain parle de cycle, parce que c'est une baisse de vibration. Donc l'ange, c'est un compagnon qui a accompagné l'homme, la femme, l'enfant, dans sa suite, mais ça n'a jamais été une suite, dans sa terrestre situation, et qui veille à, sur différents niveaux de vibration, différents niveaux de conscience, qui veille à guider et à aider l'humain dans sa remontée, donc dans sa fusion, c'est-à-dire dans son retour vers son point d'origine. Alors, chaque être humain a plus qu'un ange. On a parlé la semaine dernière des guides de lumière. Certains guides de lumière sont des anges. On a parlé aussi un peu des anges gardiens. L'ange, c'est quelque chose qui... C'est comme si l'ange, pour peu de le comprendre, l'ange, c'est un gros morceau d'intelligence mélangé à un gros morceau d'amour, c'est ce qui vient ensemble. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas d'émotion. Et l'ange, c'est donc un puissant contenant d'énergie qui, de temps en temps, ne peut pas être exprimé par un être humain seul. Alors, il va être divisé dans un paquet d'humains, dans plusieurs humains. Alors, on a des anges qui vont être des anges nationaux et qui vont se diviser en fonction des nations, des anges raciaux, qui vont se diviser en fonction des races. On a souvent des anges de lignée familiale, donc des anges familiales, qui vont, eux, être exprimés par l'ensemble des familles, reliées à une génétique ou à une génétique soit cellulaire ou soit énergétique. On a des anges qui vont surtout s'occuper de l'apprentissage des enfants dans un certain groupe d'âge. Donc, on peut, par exemple, avoir un ange qui va s'occuper de 500 à 1000 jeunes, sont en train d'apprendre des choses au niveau de la vie. Et on a donc ces anges-là qui sont des anges de groupe, qui vont faire partie de la conscience collective souvent des individus en croissance. Cela voudrait dire que l'être humain, par exemple, qui n'est pas capable de comprendre intelligemment ce qui pourrait être la création, ce qui peut être le créateur, ou encore ce qui pourrait être Dieu pour lui, et normalement, c'est aussi un ange qui le dirige, qui va diriger jusqu'à 10 000 individus comme lui. Lorsque l'être humain parvient à un niveau de conscience qui est lucide, lorsque l'être humain est capable de commencer à mettre de l'intelligence dans sa façon d'adorer des déités, des divinités, par exemple, alors l'être humain va se dissocier de ce sens-là, il va s'associer à un art qui va s'occuper de peut-être 100 individus. Lorsque l'être humain est capable subitement d'avoir une vision plus applicable de la spiritualité, donc encore une fois, l'être humain est capable de commencer à conscientiser l'écologie, à conscientiser l'intelligence de certains comportements, à abandonner peut-être certaines formes de divinités qui sont trop négatives, des saints qui sont mauvais ou des dieux qui sont mauvais ou qui demandent des choses qui ne sont pas rationnelles ou écologiques, l'être humain peut finir par se connecter à un ange qui va s'occuper de 10 personnes. Et rendu à un niveau de conscience encore plus intéressant, lorsque l'être humain est capable de commencer à avoir un contact très conscient avec son agiteur de pensée, lorsque l'être humain est capable de comprendre la démarche de conscientisation, c'est-à-dire, lorsque l'être humain est capable de comprendre qu'il n'évolue plus, mais que son évolution est maintenant finie, et que maintenant commence sa conscientisation, normalement, l'être humain se voit attaché à un seul ange. Maintenant, oui, ça a un rapport avec la décollectivisation des individus, quand tu t'apportes justement un ange pour... Moi, tu es collectif, plus l'ange s'occupe de toi, s'occupe d'un groupe limité. Lorsque tu es totalement individualisé au niveau de ta conscience, tu as aussi affaire à un seul ange s'occupe uniquement de toi, de ta personne. Maintenant, les personnes qui vivent de médias classiques, se sentent médiocres, peuvent dire, ben écoute, bon, c'est comme si j'avais un seul ange pour moi tout seul. Probablement que je n'avais pas un seul ange pour vous tout seul. Pas à ce niveau-là. C'est peut-être relié à un ange, peut-être de 1000 personnes, de 10 000 personnes, de 100 personnes. Peut-être de 10 personnes dans leur cas. Et on a donc, on peut rencontrer à un moment donné un ange qui va venir s'occuper exclusivement de toi. Maintenant, normalement, il y a des anges qui s'occupent d'un individu en particulier. Lorsqu'un individu est capable d'exprimer de l'intelligence mêlée d'amour, ça veut dire d'intelligence qui est capable d'avoir du cœur, on peut dire lorsqu'un individu est capable d'exprimer de l'intelligence douce. Bon, ça peut, on peut comprendre un peu l'idée. La douceur, c'est souvent une expression d'amour. Alors que les cadeaux qu'on va donner, c'est pas une expression d'amour. Les commentaires qu'on va donner, les qualificatifs à quelqu'un, les fleurs qu'on va y acheter, ces choses-là, c'est pas nécessairement une expression d'amour. La douceur est une expression d'amour. Bon, et la douceur, c'est quelque chose qui ne choisit pas. Un être humain qui est capable de véritable amour, disons, on va dire un être humain qui est doux, ne peut pas être doux avec certaines personnes et être rude avec d'autres. Il peut, à un moment donné, disons, exprimer une rudesse pour expliquer quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui exprime un véritable amour ne peut pas être anti-affectif avec certains, colérique avec certains sans arrêt, haineux ou encore jaloux, etc. Il est doux, il y a une douceur qui s'exprime à travers de l'intelligence. Certains anges, donc, qui sont un amalgame d'intelligence mêlée de douceur, donc mêlée d'amour, et ça, on ne voit pas ça souvent sur la planète, ces anges-là vont de temps en temps être capables d'être exprimés par des jeunes enfants. Alors, ça veut dire que lorsque, par exemple, on rencontre des enfants, à travers les enfants qu'on va rencontrer, certains sont totalement l'expression d'un ange. Alors, c'est sûr qu'on va dire, il ressemble à un ange. Il ressemble à un ange. Peut-être que son comportement, c'est un ange avec des cornes. Bon. Mais il y a effectivement des enfants qui sont totalement angéliques. La problématique, c'est que vers la préadolescence, début adolescence, normalement, la mécanique réincarnationnelle d'adulte, des mémoires d'adulte, qui viennent filonner le corps de l'enfant dans le but de le posséder, vu qu'il va prochainement être capable de jouir sexuellement, ces choses-là. Normalement, vers la préadolescence, à l'adolescence, les mémoires qui vont venir vont avoir la puissance nécessaire pour rejeter l'ange. Alors, je te pose une question. Je la poserai bientôt, mais ça va être trop long à répondre, c'est joli. Tu connais un ange présentement, dans un corps physique, qui côtoie de temps en temps. Alors, ne demande pas son nom. Peux-tu me dire son âge approximatif? Ou quand tu le rencontres? Je vois, j'ai compris un peu. C'est en bas de 12 ans. Mais ça, c'est... Non, ça parle d'une personne, si tu te donnerais le nom, tu dirais, ah oui. Trouve-la seule. Mais là, c'est extérieur à moi, là. C'est pas moi, là. Non. Non, mais je demande, faut que je cherche le moment où que moi, j'ai un ange attaché à moi. Puis, Non. Si de temps en temps, tu côtoies un ange. Tu vois pas? Non. Alors, c'est dans le bois de temps en temps, il y a 14 ou 15 ans. Quand tu l'as connu, il y avait 11 ou 12 ans. Oui. Encore un an. Oui. Ça m'étonne. OK. Voilà. Et malgré son adolescence, lui, il reste un an. Bon, on ne sait pas aussi, mais pour l'instant, c'est quoi ce qu'il dit? Oui. Oui. C'est pas? Si tu le regardes de tous les côtés, même pas même quand il dort, même quand il dit, même quand il marche, tu peux lui s'engueuler? Non, il est blanc. Avec son jeune frère, comment dire? Totalement doux, totalement blanc, comme tu dis, aucun problème. Avec n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, tu pleuves, ta foi, tu peux tout mouiller, tu sais n'importe quoi, aucun problème. Est-ce que tu es intelligent ou stupide? Intelligent? Très. Bon. Fais attention, on va dire, chez les enfants, on peut voir un ange. Ça veut dire, est-ce que tu es les enfants? Non, absolument pas. C'est dommage. Ils ont toute la capacité de, dépendamment de l'éducation, dépendamment de leur vie, dépendamment aussi des structures internes chez eux, ça peut faire fuir l'ange. Mais est-ce que la caractéristique de cet individu-là est nécessaire uniquement rattachée au phénomène angélique oui. Ou en rapport avec les réincarnations ou finalement le stade d'évolution, de concentration dans lequel il est rendu présentement, en rapport avec les vies aussi? C'est ce qui va faire que l'ange va rester. Oh, c'est ce qu'il amène. Moi, j'ai toujours eu un grand défaut. Un défaut qui m'a coûté extrêmement cher. Toutes mes vies. Ce défaut-là, c'est que j'ai la capacité de voir si les individus le peu ou la partie angélique qui les habite, donc la partie qui est belle chez eux. Et très souvent, je me suis associé avec des individus, un garçon fille, et je m'associais moi avec la partie qui était belle, qui ne dominait pas l'ensemble de l'individu, alors que certaines personnes qui m'entouraient me disaient toujours, t'as pas confiance à un tel ou à une telle, t'es en compétition contre toi, t'as tout pour te voler, il est pas fiable, etc. Et moi, chaque fois que je rencontre un individu, je ne vois pas ça. Mais ça, je me fais ramasser, souvent d'ailleurs, je me fais ramasser même très souvent. Ça, c'est chaque fois. Alors, c'est toi, quand j'ai commencé à voir ce qui était beau. Allez, vous voyez, j'ai sorti un peu. Pas trouvé de l'art. Il y a des choses qui disent mal aux adultes parce que les adultes sont adultes, sont trop adultes. Et ça crée énormément de problèmes. La majorité des individus que je rencontre, sinon la totalité, sont encore investis dans l'art qui était là à leur enfance. Sauf que cet enfant devient une portion d'art. Pourquoi? Parce que je vais voir, par exemple, je rencontre une personne, dans son corps, on va dire que, oui, dans son corps, je rencontre un dixième d'art. Si je rencontre un dixième d'art, c'est probablement que tu es encore associé à un art qui contrôle 10 individus. J'ai rencontré des personnes, ce n'est pas la quantité d'art qui fait l'individu qui lit. Mais j'ai rencontré des personnes, mais très souvent, c'est avec disons, d'art à art qu'on va communiquer, c'est-à-dire d'intelligence mentale reliée à une capacité d'exprimer de la douceur. On peut dire amour, si on ne galvaude pas avec l'amour que l'humain connaît, là. Et chaque individu a ça. D'ailleurs, tu vas faire en sorte que l'homme, la femme, l'enfant, a une idée fixe dans son ascension. L'ascension, ça inclut l'évolution jusqu'à ce qu'il commence à conscientiser, la conscientisation. Donc, dans son ascension, dans votre ascension, vous avez la même idée que moi, la même idée que lui, la même idée que mon enfant, la même idée que Jiraquet, la même idée que n'importe qui. La problématique, c'est que cette idée-là, elle vient s'exprimer ou elle vient diriger le chemin ascensionnel dans combien de secondes par vie. Parce que l'humain est investi de ça. Quand on peut poser la question extrêmement faible, ou si on regarde simplement l'objectif final de ce que l'humain recherche, l'humain va faire des projections. L'humain va dire, mais moi, ça serait une société parfaite. Mais l'humain n'est rien à foutre d'une société parfaite. Alors moi, ça serait d'être bien, de plus souffrir, puis d'avoir un peu d'argent, ça d'être à l'aise. Tu n'as rien à foutre de l'argent. Moi, ça serait d'avoir des amis. Mais c'est même pas ça non plus. Moi, ça serait... Bon, l'humain va mettre plein d'idées comme ça. Gagner mon ciel, être éternel. On n'a rien à foutre d'être éternel. Passer l'éternité à se demander pourquoi on est éternel, c'est pas, ça occupe, mais c'est pas fort. L'humain, c'est pas ça que ça. L'humain va dire, moi, là, ça serait simplement être reconnu. Mais l'humain, ça n'a rien à foutre d'être reconnu. Fondamentalement, c'est pas ça que l'humain fait. L'humain, ce qu'il recherche simplement, c'est quelque chose qu'il a déjà eu. C'est quelque chose qu'il a déjà eu, qu'il a investi toujours, qui reste chez lui, et qui va continuellement l'amener à reconnaître dans n'importe quel style d'évolution, peut-être un petit poème qu'à un moment donné, il va lire quelque part. Soit il va trouver ça merveilleux, soit dans le disciple de Krishna, soit un témoin de Jéhovah, soit simplement Kempis, il va être capable de reconnaître quelque chose. Il y a énorme... Comment pensez-vous qu'il y a des individus sur la planète qui, à un moment donné, en suivant la guerre du Golfe Persique, ont été émus et émotionnés, je dis certains. C'est le terme émis qui est le terme convenable, ont été émus par les Irakiens qui, à un moment donné, se livrent à des journalistes américains, à des soldats américains. Et les Américains sont mal pris avec les Irakiens parce que les Irakiens veulent les embrasser, leur embrasser la main, ils se mettent à genoux. Et tout ce que les Américains ont à faire, c'est de rester assis. Après ça, il y en a un qui prend sa gourde, ben, il lance ça à la gang s'en boit. Et il y en a un qui fouille dans sa trousse, il sort un peu de nourriture, son lunch, il donne ça aux Irakiens aussi. Puis il y avait leur sabot là-dedans. Les Irakiens passent d'une planète à une autre planète. Ils sont battus contre les Iraniens. Les Iraniens, quand ils capturaient les Irakiens, ils les gardaient sur le front parce que quand il y avait des blessés iraniens, les Irakiens savaient de manque de sang vivant. Quand il n'y a plus de sang, évidemment, on les fait là, c'est ça. Bon. Et là, ils se livrent à la force multinationale qui est le diable, hein, parce que c'est ça que l'islam parle des Américains, c'est le diable. Et le diable les accueille... Ils ont été revêtus des pieds à la tête, ils ont été lavés, ils sont logés, nourris, et ils reçoivent 3 $ américains par jour, en tant que prisonniers, selon la Convention de Genève, pour pouvoir chercher des cigarettes, parce que c'est pas le bien partout, pour pouvoir chercher un journal, chercher des choses, en attendant d'être libéré. Il y a beaucoup de personnes qui regardent demander les Irakiens se rendent, les Irakiens, les soldats broyent, ils vont voir les Américains les nourrir, et il y a énormément de personnes qui sont émues. Mais qu'est-ce qui fait que le plus colérique, que le plus belliqueux, que le plus n'importe qui de la planète, le plus laid, le plus gros, la plus grosse, la plus maigre, va à un moment donné être capable d'être ému? Mais c'est ça qui met, il y a quelque chose absolument génial, qui est angélique. C'est sûr que le terme « ange » pour plusieurs, c'est spirituel. Mais c'est un terme qui désigne quelque chose d'authentique, qui a été amené par les antiques religions dans le passé. On peut bannir le mot pour en inventer un autre. Bon, c'est plaisant. Ça occupe l'intellect. Ça ne sert à rien, c'est comme ça occupe. Là, c'est l'être humain quelque chose d'extrêmement angélique, capable d'un amour gratuit, donc c'est la bouddhique, qui dit plein à ce que les personnes, quand une personne est unie, doit faire ce qu'elle aime. Elle aime l'esthétisme de la situation. Et elle aime aussi, enfin, les problèmes sont finis. C'est pas une chienne. C'est le moment même, c'est pas ça qui va l'émouvoir. Alors, c'est l'être humain, il y a cela. Il y a de l'intelligence, il y a de la douceur, et quand les deux sont mêlés ensemble, l'humain ne se fait pas ramasser. Quand la partie angélique s'exprime, c'est l'humain, c'est devient parfait. Le sentiment de pitié, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une partie. Ça touche tout ça. C'est la copie astrale de l'âme. L'être humain qui a pitié, n'est pas dirigé ou n'exprime pas la partie angélique qu'il a eue. Il exprime l'expérience du contact angélique qu'il a eu, donc la mémoire. Il n'est pas capable d'aimer intelligemment, alors il aura de la pitié. Et la pitié, ce n'est pas de l'amour. La pitié, c'est de l'orgueil. C'est vu d'un point de vue supérieur. Quand... Tu souffres que les autres ne sont pas à ton niveau. Que ce soit au niveau bonheur, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau politique. C'est pour ça que souvent, quand les personnes me disent eux-mêmes, je suis malade et c'est le finir, et je n'ai pas besoin de votre pitié. La pitié, c'est de l'orgueil, et ça draine de l'énergie. Je veux me sentir bien, alors je te fais du bénévolat. C'est plus de l'unité. Ben, exactement, je le fais uniquement pour moi. Ce n'est pas angélique. Ce n'est pas, disons, la capacité d'être ému n'est pas de la pitié. La pitié, là, l'individu va souffrir pour l'autre. Le rôle des anges, là. C'est... Je pensais qu'il demandait si c'était quelqu'un la première rencontre. Ça va venir. Non. Le rôle des anges, c'est quoi, là, exactement? Ils font quelque chose, mais est-ce que ça sert d'intermédiaire entre le bouddhique et le soi mental et le mental? Ou c'est quoi? Bon, premièrement, comme tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux d'anges. Les anges sont collectifs, les anges sont plus déterminés. Qui vont avoir des fonctions plus précises. Là, on parle d'ange, par exemple, d'éducation, on parlait d'ange de procréation, bon, il y a plusieurs. On va passer à ceux-là. Ça fait partie des anges pour chaque égrégore, est-ce que c'est ça? L'égrégore est déjà lui-même chapeauté par un ange de groupe. Bon, un égrégore, c'est un ensemble de mémoires expérientielles, l'expérience de masse d'humanité à travers le temps, qui vont créer une philosophie de pensée qui va diriger la nation. Par exemple, les Français, c'est tout pour la patrie. Ben, il y a un égrégore français qui dirige la patrie. Le symbole. Tous les égrégores ont un symbole. Le symbole de l'égrégore français, c'est le drapeau. Le symbole de l'égrégore catholique, c'est la croix. Tous les égrégores ont un symbole. Et tous les égrégores ont un rituel pour parler avec eux. Les hymnes nationaux vont en être un. Et les prières en sont évidemment, etc., etc. Alors, l'égrégore, c'est ça. Normalement, à chaque fois qu'il y a un égrégore, il y a un ange qui s'oppose à l'égrégore. Et par l'égrégore, il dirige la main. Le rôle de l'ange là-dedans, c'est que ce soit doux, c'est blanc. Que ce soit le moins humain possible. Donc, que ce soit le plus doux possible. Le plus être humain. Non, le plus être humain, mais le moins animal humain. L'ange a ça comme fonction. Sauf que l'ange, c'est une mécanique agglomérée, fusionnée, d'amour gratuit, donc un amour qui n'est pas conditionnel, et d'intelligence. Et quand je parle d'intelligence, je ne parle toujours pas d'intellectuel, je parle d'intelligence active. Donc, de savoir instantané, d'expression, c'est la même chose, d'énergie supramentale, c'est la même chose. Donc, c'est une fusion d'énergie supramentale et d'énergie bouddhique, donc d'amour. Certaines personnes pourraient parler, si on veut prendre d'autres étymologies, par exemple, du souffle et de l'expression, c'est la même chose. Bon. Quand on parle d'art, c'est donc une agglomération de sorte, ce qui a comme rôle planétaire de, à un moment donné, évidemment, d'investir un corps physique humain, donc d'investir un humain. On peut considérer que l'art, c'est finalement ce que l'être humain, ou ce que l'humain était, avant d'avoir un corps physique animal. Et c'est là pour pouvoir diriger toutes les particularités qui vont permettre à un corps physique d'avoir une âme. Mais l'âme est dirigée par un ange. L'âme, c'est la seule chose qui n'évolue pas et qui ne se conscientise pas dans l'être humain. L'âme, ça apprend. Ça apprend par expérience, par essai et erreur, ça se sent toujours coupable, ça pense qu'elle a les barbiques, ça se fait à peu près tout le temps. Ça vit un peu de bonheur, ça a peur de perdre son bonheur, puis quand ça perd le bonheur, c'est un peu plus malheureux qu'avant. Hein? Le gars, il avait 10 piastres, il perd 10 piastres, pas grave. Le gars, il gagne 10 millions, il perd 10 millions, il se suicide. Mais le gars, il est parti de ce qu'il avait, il s'est rentré, il est remonté à zéro, mais la différence de potentiel va faire que l'âme pourra pas se porter le deuxième cas. Alors que c'est la même chose. Bon. L'intelligence, ça c'est autre chose. C'est l'esprit saint, c'est quelque chose, c'est l'esprit tout court, c'est l'esprit pur. Dans la majorité des visions étymologiques, les visions religieuses, on fait passer l'esprit en deuxième. Alors que toutes les religions vont s'entendre sur un critère, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. Le corps étant le véhicule le plus bas, l'âme étant le véhicule secondaire, et l'esprit étant le dernier véhicule. Malgré tout, les religions vont quand même continuer à prôner ça. D'ailleurs, c'est pas la contradiction qui va empêcher une religion d'exister, remarque bien. Tout en continuant à dire que l'humain doit sauver son âme. Il est assez que si tu fais une bonne farce, on va dire, j'ai fait de l'esprit. Mais ils ont raison. Ils ont raison. C'est pas fini. Non. Ils ont tort, mais ils ont raison. Pourquoi penses-tu que quand quelqu'un nous part une farce génial, on dit que c'est de l'esprit? Parce qu'il est spontané. Parce qu'il est instantané. Mm-hmm. Parce qu'il est vivant. Et c'est l'apanage de l'esprit. C'est d'être vivant, d'être instantané, d'être spontané, et d'amener du neuf à l'être humain. Alors quelqu'un qui fait de l'esprit, quand ça arrive, ben c'est ce qui va arriver. On parle pas de celui qui compte, qui est un compteur de farce habituel, mais celui qui était capable de dénover là-dedans, on parle de faire de l'esprit. Sauf qu'on a de galvauder, parce que faire de l'esprit, ça revient à périr. L'esprit saint du Nazaréen, c'est quoi? Pour que l'être humain, les apôtres et d'autres, parviennent à un certain niveau, ils avaient une âme, ils avaient un corps physique. Pour parvenir à un certain niveau, ils devaient avoir un contact avec l'esprit saint. Et une fois qu'ils avaient un contact avec l'esprit saint, qu'est-ce qu'ils faisaient, les apôtres? Ils étaient capables de parler comme le Nazaréen. Ils savaient tout c'est nécessaire qu'il sache, lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Il parlait différentes langues. Et non, il parlait en araméen, il parlait en hébreu. Et les peuples qui le comprenaient dans leur langue, eux. L'esprit saint, c'est l'intelligence fondamentale, c'est l'énergie christique, c'est ce qui a fait de Jésus un être christique. L'ange, c'est un amalgame de cette énergie-là, et d'énergie bouddhique. D'ailleurs, le Nazaréen, c'est un ange vivant. Lorsque l'être humain, l'ange sert à quoi? Il sert donc à mettre de la douceur dans le plan humain, parce que l'être humain, c'est un animal, au départ, qui, à un moment donné, va être investi d'une âme. L'âme, c'est la capacité qu'aura le corps physique animal de retenir de l'expérience autrement que par des cicatrices. Donc, il va retenir l'événement expérientiel, il aura de la mémoire psychologique. Et ça va faire en sorte qu'à un moment donné, ayant de la mémoire, il va être capable de souffrir de sa mémoire. Et la souffrance de sa mémoire va être ce qu'il va appeler, lui, l'amour. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je n'en souffre pas. Quand je vis avec 10 ans, s'il meurt, j'en souffre. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté dans ma mémoire pendant 10 ans. Bon. Et avec le temps, je l'ai oublié. Avec le temps, je vais finir par oublier une grande partie de l'expérience de l'individu. Donc, le temps va finir par arranger ma souffrance. Je vais peut-être me rappeler de l'individu, mais je ne souffrirai plus au niveau émotif. Si lui-même n'aurait pas de mémoire, lui-même n'aurait pas de souffrance psychologique. L'âme, c'est donc une mécanique mémorielle, et au-dessus, il y a l'âme, qui, lui, est beaucoup plus ce que vous êtes dans la réalité des choses, mais qui a une tendance, évidemment, à s'exprimer à travers l'intérieur de l'être humain, et c'est la partie, ce que moi j'appelle homme, femme ou enfant, de l'humain, comparativement à tout le reste qui fait partie de ce que moi j'appelle l'anti-homme. Je pourrais dire l'anti-ange, c'est la même chose, mais quand je parle d'ange, souvent les personnes se disent « Oh, c'est un peu trop, c'est un ange, quoi, la démonstrable est un ange, personne ne veut être un ange. » Bon, je comprends. Mais il est bien caché. Pas toujours, des fois il est là, bon. Donc l'ange sert à rendre plus doux l'évolution, et l'ange est aussi une grande partie de ce qu'est dans la réalité l'homme, la femme ou l'enfant dans l'absolu. Qu'est-ce que le rapport entre ange et messager? Bon, la majorité des messagers sont des mécaniques extraterrestres qui vont porter le nom d'archange. Et ça, on va en parler la semaine prochaine. L'archange, c'est une mécanique énergétique qui est capable de concentrer sous lui des dizaines, des centaines, des milliers ou des centaines de milliers d'anges. Et normalement, quand tu parles de messager, on va parler donc d'archange. Et l'archange est une mécanique qui provient du centre de la galaxie en majorité. Et qui fait partie de l'intervention extraterrestre. Quand on parle d'intervention archangélique, quand on parle d'intervention extraterrestre archangélique, on ne parle pas des petits bonhommes verts, on ne parle pas des intraterrestres, on ne parle pas des extraterrestres à moustache, gros moustache, c'est ça. On ne parle pas non plus de, bref, d'extraterrestres qui viennent en vaisseau spatial. Mais on parle d'une mécanique qui provient de l'extérieur. Si on parle d'Ézéchiel, c'est un archange. Si on parle de Gabriel, c'est un archange. Et ceux-là sont des messagers, et ils ont aussi la capacité d'intervenir biologiquement. On va en reparler un peu la semaine prochaine. Okay. Maintenant, une première rencontre avec un ange, de quoi ça a l'air, ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, c'est savoir qu'il y a un ange. Comment c'est, ça? Ça fait compliqué, très compliqué. Dans mon cas, ça fait compliqué. Ça se pose la question un peu mieux. Pas de réponse. À quel âge as-tu rencontré le premier ange? Le premier ange que j'ai rencontré, c'était un ange projeté, et je devais avoir au moins 10 ans, 9-10 ans. Mais un ange projeté, c'est quoi? C'est le mien que je vois ailleurs. Dans une autre personne? C'est ça. Tu sais qu'à un moment donné, vers 10 ans, j'avais la capacité de reconnaître la beauté sur autrui, et je, en observant la beauté sur autrui, j'ai fini, graduellement, par totalement faire une abnégation de la mienne. Mm-hmm. Donc, ce que je voyais était ce que j'avais. Mais finalement, j'ai fini par perdre. À 14-15 ans, je pouvais, par exemple, trouver des enfants. Certains individus, plusieurs ont fait la même expérience-là. Ils sont en compagnie avec ça. Je pouvais trouver des individus parfaitement géniaux. Je pouvais, par exemple, être en extase, les aimer, et dire, maudit de là où tu es là, c'est une bonne personne. Okay? Mm-hmm. Puis là-dedans, t'es une bonne personne, toi, mais ça, tu verras jamais. Alors, vers les 10 ans, le premier ange que j'ai rencontré, c'était probablement moi-même, prostitué. Mais quelle répercussion ça peut avoir rencontré un ange? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait que la majorité des personnes vivent un problème assez seul. Là, je viens de rentrer dans ta vie. Je veux pas aller trop loin à travers toute la mécanique astrale et psychologique qui fait qu'on vit la problématique, mais elle est là. La majorité des personnes ont fini, à un moment donné, par bannir la vision de l'ange qu'ils avaient chez eux. En faisant ça, ils vont avoir, pas mal à besoin, la capacité de reconnaître qui est qui, cela. Et je dis souvent en séminariste que seul celui ou celle qui est intelligent peut reconnaître l'intelligence ailleurs. Si tu es capable de reconnaître la beauté chez quelqu'un, c'est que nécessairement elle existe chez toi. Mais la majorité des personnes ne sont pas capables de reconnaître la beauté chez eux, ils vont la reconnaître qui est qui. Et là, ça revient à un point fondamental, c'est que la majorité des personnes vont finir par ne pas accepter d'évoluer d'une façon douce, bien qu'elles vont essayer de rendre plus douce l'évolution d'autrui. Alors, si mon ange, je le vois, c'est quelqu'un, je vais essayer de l'aider. C'est doux. Et en même temps, je vais peut-être un jour me dire, « Merde, moi aussi, j'aurais besoin d'aide. »